Le monde sera puni, par Albert Einstein, 1879-1955. Ne pas arrêter la main de l'agresseur, c'est être son complice. Le monde sera puni, non pas pour ceux qui font le mal, mais pour ceux qui laissent faire le mal.